Le petit reportage qu'on vient d'écouter là, je trouve qu'il est assez intéressant à remettre en perspective en fait avec la question de l'élevage en général, notamment avec deux questions qui sont articulées entre elles, qui sont à la fois l'enfermement et la mise à mort. Cette chèvrerie là par exemple a été faite par des gens qui avaient un certain souci d'un certain bien-être animal et qui se retrouvent quand même confrontés à ces deux trucs là. Enfin, moi je pense que c'est deux choses qui sont inhérentes à l'élevage en fait. C'est un peu ce que disent les camarades quand ils disent que il peut pas y avoir d'élevage sans meurtre. Tu peux pas tout le temps prendre en compte, quand t'es éleveur ou éleveuse, la volonté et le bien-être des animaux. Ça va en fait à l'encontre du système de production économique, quoi. Le but d'un élevage, c'est pas que les animaux soient bien, c'est de produire une plus-value, quoi. Là, c'est un truc dans un but d'autosuffisance que c'était fait, ou... Il y a un peu ce truc-là, après, ce que disent les deux potes au début, quoi, que c'était à la fois démonstratif, symbolique, d'être sur la ZAD et de montrer, et à la fois de commencer à mettre en œuvre une autre manière de produire, de s'insérer en fait dans le paysage autour, d'avoir des liens avec les agriculteurs en faisant la même chose qu'eux, en même temps en le faisant d'une manière qui serait plus respectueuse à la fois de la nature et de l'humain, des animaux, du milieu autour, de commencer à mettre en œuvre d'autres formes de production et d'organisation, quoi. Je ne crois pas que c'est possible d'avoir un élevage éthique parce que d'utiliser l'animal pour le bien-être de l'être humain et on voit qu'on les chèvres sont traitées, ils sont pas mal, tout très maltraités, mais quand même ils sont dominés parce que les êtres humains les bougent pour aller quelque part, on voit très bien qu'ils n'ont pas envie d'y aller. C'est tout à fait clair que c'est de la domination et on est vraiment dans la pensée anarchiste, je ne comprends pas comment on peut voir que ça va pas du tout ensemble pour moi. Il y a aussi le fait que le petit mâle doit être tué ou aller quelque part d'autre. C'est toujours des bébés qu'on tue et ce sont des mères qui sont très tristes et on le voit, ils pleurent. C'est trop clair que ça va pas du tout, c'est pas comme on peut pas le voir. Le côté noble, je trouve, dans la chèvrerie, c'est des gens qui disent... Ok, par rapport aussi à la discussion de vegan, parce qu'ils sentent bien qu'on est là, on ne peut pas s'en passer du fromage. On va dans les déchets, on va dans la poubelle, on va chercher du fromage. Du coup, pourquoi pas assumer le délire et le vivre, genre comme on va faire notre propre fromage. Là, les gens qu'on a écoutés, il y a deux pistes. L'un qui est plutôt l'assumer, de le tuer, la bête, comment ils en parlent, les bêtes, et ils les récupèrent même pour faire leur politique, un truc de du coup, on doit raser toutes les autoroutes qui sont là, comme ça, ils peuvent marcher libre, machin, mais ça reste des bêtes. Moi, j'ai du mal avec ce discours-là, beaucoup de mal. L'autre approche, c'est plutôt le délire de se rendre compte de ce qu'on est en train de faire, vraiment. Elle, à la fin, elle dit, ouais, notre chèvre sont des rebelles, mais genre, limite, un PDG qui est là, ouais, mais mes ouvriers, ils se rebellent, machin, un peu ce relation-là. Ouais, ils se révoltent un peu, mais nous, on a quand même l'enclos électrique, tout ça. C'est un peu ma lecture du truc, peut-être c'est trash, mais je sens un peu ça. Et du coup, est-ce qu'à la fin, elle dit, elle met en cause toute l'idée du chèvrerie, est-ce qu'elle met en cause sa consommation de manger du fromage? Parce que c'est forcément lié. Un élevage de chèvres, c'est super particulier parce que, en termes d'intelligence, je pense vraiment que les chèvres sont super intelligentes et que du coup, qu'elles puissent redoubler d'ingéniosité pour ouvrir des enclos, pour s'échapper, pour faire des trucs pas possibles, une chèvre s'en est capable. Du coup, je me dis, c'est chouette que, en fait, bah, que ce soit une chèvrerie, c'est vraiment des animaux d'élevage qui ont la capacité de nous faire rendre compte de ce qu'on fait, du fait que ce qu'on fasse, en fait, ça va à l'encontre de la volonté des chèvres. On voit cette question du chevreau qu'on doit tuer parce que bah, quand il sera grand, il fera pas de lait. On voit que ça pose vachement question. Quand on voit la rapidité avec laquelle les chèvres sont capables de nouer des liens avec les êtres humains, et du coup, je pense que c'est vachement touchant et eux sont vachement touchés. Mais peut-être que s'ils avaient élevé des poules, eh ben, ça leur aurait pas fait pareil. Si on laissait tous les chevreaux en vie ou tous les coqs en vie, il y a toujours ce rapport de bah, on les a là, pas pour le plaisir de les avoir là, mais pour utiliser leurs œufs ou leur lait, et puis même dans le cas ce serait juste pour notre bon plaisir, bah, ils seraient là pour notre plaisir, pas pour leur existence propre. Mais je trouve ça chouette parce que ça pose un début de réflexion sur la libération animale. En fait, tous les animaux ont la capacité de se sentir emprisonnés et d'avoir cette pulsion de survie et ce réflexe de liberté, en fait. En fait, par rapport à l'élevage, moi quand je rencontre des éleveurs... qui ont une sensibilité vis-à-vis de l'animal, qui comprennent qu'effectivement c'est des êtres à part entière, pour rencontrer les animaux, parce que forcément ils les rencontrent en fait, et ils en prennent soin même, de manière quand même hyper forte, pour arriver de ce soin intensif, de cette attention, de passer de ça à l'abattage des animaux, en fait, il y a besoin de se couper des connexions dans le cerveau. C'est ce que les gens y disent, en fait, qu'ils sont obligés de s'insensibiliser, quoi. Enfin, une réflexion, du coup, qu'ils sont obligés d'avoir, de se forcer à faire les choses, en fait. Tout ça pour rester dans une tradition, dans un commun global de société, enfin... Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre, que les gens persistent en fait à rester dans ça, alors qu'ils ont cette capacité d'analyse, ils l'analysent eux-mêmes, ils le voient, ils le vivent, ils le ressentent, même parfois ils l'intellectualisent, et malgré tout ils restent dans ce truc de « on va rester dans cette tradition d'élevage ». C'est une manière d'être intégré au reste de la société, de ne pas se sentir complètement coupé, je sais pas c'est quoi exactement, mais... Il y en a, ils ont eu cette réflexion en cours de leur installation industrielle et du coup ça a engendré des frais et tout un mode de vie qui est quand même assez énorme de changer du jour au lendemain et ils sont juste prisonniers eux-mêmes de tout ce processus. Mais là par exemple à la chèvrerie, on peut pas dire que les gens ils soient prisonniers de ça et ils ont pas pris de risques financiers, c'est complètement autre chose en fait. Une des filles le disait, certainement elle refera pas d'élevage... plus tard. Enfin, que ça a rien de naturel, que la rencontre, elle se passe, et elle se rend compte qu'il y a des incohérences entre ce qu'elle vit, ce qu'elle désire, et puis ce qu'elle est en train d'accomplir là, et peut-être même ça lui fait prendre du retard, en fait, même dans ses désirs d'autonomie globale, le fait de cette expérience, peut-être. Après, pour rester sur l'exemple de la chèvrerie, il y a aussi des gens qui assument complètement ce truc-là de provoquer de la souffrance animale et de tuer des animaux, et qui trouvent juste ça normal, en fait, et qui considèrent pas que les prises en compte des intérêts des animaux doivent aller jusqu'à éviter ces souffrances-là et ces meurtres, en fait. Les animaux sont des machines de production, quoi. Et ça les empêche pas d'avoir une relative considération pour les animaux, mais quand c'est des gros élevages en batterie, quand c'est vraiment horrible, et pour eux, il y a un moment où, juste, en fait, la souffrance animale est plus assez importante pour qu'on la prenne en compte, quoi. Et l'impératif économique dont on parlait tout à l'heure, justement, prend le dessus, quoi. C'est... Elles font du lait, bon, elles en souffrent, bon, on en bute, et c'est pas grave quand on a notre lait. C'est des gens qui veulent lutter contre les oppressions, qui veulent lutter contre un modèle de société capitaliste, et s'enfermer dans un truc ultra individualiste, ultra égoïste au final. Et ça, je trouve ça aberrant. Enfin, d'ailleurs, on peut pas se passer du fromage, alors qu'à côté de ça, ils vont se passer de pas prendre des douches tous les jours, d'avoir internet facilement et compagnie, puis non, en fait, le fromage. Bon, après, je veux que ce soit culturellement ancré, qu'il y ait des habitudes et tout ça qui sont fortes. Forcément, c'est pas un truc qu'on va dire, ah tiens, c'est... je vais faire ça du jour au lendemain. De là à être catégorisé en disant, je peux pas me passer du fromage, je trouve que c'est bizarre. Et dire, vraiment, dans le reportage, il y a quelqu'un qui disait, ouais, mais en fait, je préfère, à limite, tuer moi-même la bête et tout. Et je trouve super dangereux comme raisonnement. Pour moi, je trouve que c'est limite même plus dangereux que quelqu'un qui mangera de la viande sans qu'il ait lui-même tué l'animal. Et aller dire, bah, en fait, je revendique le truc. Ça vire vite dans un délire dominateur, viriliste et tout ça, et de fait ça l'est, quoi. C'est même pas juste une position idéologique, c'est clairement mon intérêt supérieur à l'intérêt d'un autre individu, qui est pas de la même espèce, d'accord, mais d'un autre individu. J'espère pour eux qu'ils aient pas réfléchi assez à la question, je pense. J'espère pour eux, parce que sinon c'est super chaud de leur part. En fait, il y a aussi le truc là de dire bon bah voilà, pour nous ça nous est nécessaire de manger du fromage et du coup on va passer à l'acte, on va le faire nous-mêmes, quoi. Et en même temps, il y a la réflexion d'être entouré de gens qui sont sensibilisés à la cause animale, qui ont une autre mode de vie ou d'alimentation. Si ce discours était tenu dans un autre milieu que celui de la ZAD par exemple, il pourrait être un peu compréhensible ou je sais pas quoi, parce que dans le sens où il y a très peu d'infos sur le végétalisme. En fait, il y a quand même une rencontre qui se fait du coup quand même avec les végétaliens, mais en même temps elle est hyper légère, en fait. Il y a une impression qu'il n'y a pas vraiment de rencontre, en fait, parce que c'est pas les seules personnes que j'ai entendu dire ça, quoi, de bon bah vous êtes végétalien, tant mieux, c'est cool et tout ça, genre même c'est bien, faites quelque chose de bien, mais moi non, moi je suis obligé de manger de la viande, moi je suis un extraterrestre ou je sais pas quoi, mais tu vois, en fait la personne c'est carrément assez fou. Soit elle pense clairement que je lui mens en lui disant que ça fait 12 ans que j'ai pas mangé ni de viande, ni de produits animaux, et que je prends pas de compléments alimentaires, et que je me retrouve pas à l'hosto tous les 2 ans pour faire un méga check-up. Et du coup, je sais pas, j'ai du mal à, en fait, à faire la rencontre avec ces gens. Et il y a des fois des gens avec qui j'ai vécu un peu, en fait. Ils voient que je suis pas surépuisé, que j'ai mes dents, que je sais pas, plein de choses comme ça. Et malgré tout, en fait, pour eux, c'est un régime qui est pas viable. Enfin, c'est fou, parce que je suis devant eux, ils me voient, tout ça, et c'est comme si tout ça, c'était une illusion, en fait, ça n'existait pas. Du coup, je me retrouve à devoir militer sur d'autres sujets avec des gens où je me dis, je suis en train de parler avec elle, mais tout ce que je dis, en fait, elle ne croit pas. Et du coup, comment on peut évoluer ensemble, comment on peut faire des choses ensemble, puisque déjà, le principe de base, la confiance, en fait, elle n'est pas là.